sun. Est-ce que tu peux garder tes AirPods dans tes oreilles quand je te parle, s'il te plaît, bâtard? Ouais. Ok. Sun, sun, sun. Ah bah c'est du propre. Hey, c'est du propre. 5h du mat sur le port, un dernier shot. C'est pour ma ville, sauce magique, beau gosse. Sauce magique, sauce magique. Mort en ville quand elle est morte. Mort en ville quand tout le monde dort. Autopilote, okay. Autopilote. Encore un dernier shot. Shot, shot, shot, shot. Allez hop, allez hop, ok. C'est du propre, c'est du propre, c'est du propre. J'te dirais comme disaient les profs. C'est plus possible, c'est plus possible. C'est plus possible, mais tu forces. Enfoiré, pourquoi tu forces? J'ai honte quand je vois ce que tu postes. C'est toujours les mêmes trois suceurs dans tes coms. Qu'est-ce que tu me sors? T'es du genre qui drague en rabais sans ses potes. Suce ton boss, la vie c'est facile, t'as juste à faire mon job. Dernier shot, j'pète une clope. Quelle époque, mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. C'est du propre, roi de la pop. Roi de la pop, tu suis la mode, on fait la mode. Tu suis la mode, on fait la mode. C'est relou d'être relou. Hey. Mets pas d'emojis dans les messages, on s'embrouille. Casse pas les couilles, je veux pas ton avis sur tout. D'ailleurs, je veux pas que tu m'écoutes. Pressé d'arrêter, j'envisage de faire un mytho. Je vois tout en double, shot, remue une couche. Ah, numéro 4 dangerous. Ah, la mémoire est courte, c'est moi qui ai ouvert l'autoroute. Son, 30 fois le salaire de tes profs. Pour dire de la merde à tes gosses. Devant la lune en bicross, redis-le. Ça parle que de stream, ça parle que de clics, ça parle que de chiffres, de bénéfices. Bâtard, t'es fan de comptabilité, t'es qu'une merde si tu veux mon avis subjectif. Je vois mes fans grandir avec moi. J'en vendrai jamais n'importe quoi. Je veux pas devenir une erreur de jeunesse que tu regrettes quand tu grandiras. Wow, quelle audace derrière ton clavier. Des fois je repense à ceux qui me clashaient. Je veux dire, je me demande où ils sont passés. T'es comme l'intro des clips, t'es zappé. Tu me demandes si ta musique est claquée. Ça commence par bas, ça finit par ouais. J'efface ton numéro si t'envoies juste un point d'interrogation. T'étais en manque d'affection, maintenant t'as une infection. Ah bah c'est du propre, c'est du propre. 5h du mat sur le port, un dernier shot. C'est pour ma ville, sauce magique, beau gosse. Sauce magique, sauce magique. Mort en ville quand elle est morte. Mort en ville quand tout le monde dort. Autopilote, autopilote. Encore un dernier shot. Shot, shot, shot, shot. Allez hop, allez hop. Ok. C'est du propre, c'est du propre, c'est du propre. Je dirais comme disaient les profs. C'est plus possible, c'est plus possible. C'est plus possible, mais tu forces. Enfoiré, pourquoi tu forces? J'ai honte quand je vois ce que tu postes. C'est toujours les mêmes trois suceurs dans tes coms. Qu'est-ce que tu me sors? T'es du genre qui drague en rabais sans ses potes. Suce ton boss, la vie c'est facile, t'as juste à faire mon job. Dernier shot, j'pète une clope. Quelle époque, mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. C'est du propre, roi de la pop. Roi de la pop, tu suis la mode, on fait la mode. Tu suis la mode, on fait la mode. C'est relou d'être relou. Pourquoi t'es relou?